Les activités pour célébrer solennellement la journée du soleil, fête la plus heureuse de l'humanité, sont livrées avec animation dans le monde entier. Depuis que le premier comité préparatoire pour la journée du soleil a été constitué en Syrie en janvier de l'année dernière, les comités préparatoires des partis politiques et formations nationales et individuelles sont mis sur pied dans beaucoup de pays du monde. Leur nombre dépasse 70, y compris les comités préparatoires internationaux et régionaux. Les gouvernements, partis politiques et formations de tous les pays, les institutions internationales et régionales et les personnalités de différents milieux ont exprimé le respect envers le président Kim Il-sung dans leurs déclarations et communications. Grâce aux activités dynamiques des comités préparatoires pour la journée du soleil, diverses cérémonies de célébration comme rassemblements, séminaires, colloques, expositions de livres et de photos et séances de films se déroulent tous les jours partout dans le monde. En signe de respect sans borne envers le président Kim Il-sung, les personnalités des milieux politiques et sociaux visitent sans cesse les représentations coréennes dans leur pays et viennent à Pyongyang avec les corbeilles et les bouquets de fleurs pour féliciter la journée du soleil.